Manu, oui. tu me vires, j'écoute. Tu me vires, Gassimor, j'écoute, je me casse et Dracula. Hop! Non, non, je veux pas le savoir! Je veux pas le savoir! Non, non, moi je réponds pas avec des connards! Continue, on continue, on ta gueule!